Ok, FONIK, un texte de plus, mec. On dit quoi, on est là. Comme ça. Sur une instru hécatombe, je reviens vider mon sac. Les drames de ce monde continuent à guider mon arc. Ma rage me ronge comme un cri démoniaque. Quand je vois la merde où la masse plonge face à la vie des monarques, je rentre dans le vif du sujet. Sur le paplard, je manie la plume. Au mic actif, vu que j'ai ni le temps marre ni l'enclume. Pas de gun dans la ceinture, toujours pas d'AK à 47. Juste un jeune dans la pointure qui avoisine la taille 47. J'ai bien assez de yeux pour voir que les rapaces sont au pouvoir. Ils nous pompent tout jusqu'au pourboire. Demain, ils veulent nous dépourvoir. Le mal décidé d'or, je sais peur, excité d'or noir. Fini le temps décidé d'or. Voici le temps des cités dortoir. Même sans thunes faut consommer. Leur système est bien conçu. Regarde ta vie se consumer. Pour ces chaînes inconçues. Allez t'inquiète poteau. C'est juste un cesse de plus. Histoire de clouer au poteau. Tous ces fils de pute. Ça changera pas la face du monde. C'est juste un texte de plus. Inaperçu le jour où je suis con. Tu trouveras ce texte au plus. Le son se répand sur les ondes. Mais qu'est-ce que sextobus. C'est phonique la nouvelle bombe. C'est le nouvel opus. Ça changera pas la face du monde. C'est juste un texte de plus. Inaperçu le jour où je suis con. Tu trouveras ce texte au plus. Le son se répand sur les ondes. Mais qu'est-ce que sextobus. C'est phonique, la nouvelle bombe, c'est le nouvel opus. Zeppo, au fond du bus, derrière ma ville se décompose. Les façades douces déposent l'humus, se fissure, décompose. C'est la merde un peu tout part, mais l'état ne fait pas grand chose. Y'a des putes sur les boulevards, s'il te plaît, ferme-la quand je cause. Des petits pétas à carrefour et crash sur les vigiles, les DJ mix des 45 tours scratch. Faut hurler le vinyle, je vis ma vie en décalage. Entre ce que je fais et ce que je devrais, je dis de partir dès que t'as l'âge. Mais à mon heure, est-ce que je le ferai? Même pas, je vais tout sentir palette. Taftos grappe ma planète, au micro je tire à l'arbalète. Ce système qui tourne pas net pour faire un coup de traître. T'auras toujours quelqu'un dopé, et pour monter une côte raide, toujours un qui est bien dopé. C'est la course à la gloire, ta bouteille on te pousse à la boire. Allons tous à la foire avant que l'hiver nous bouffe la mâchoire. Y'aura tellement de choses à redire, c'est ce monde qui part en 7 dessus. Si un bateau part pour pas revenir, trouve-moi quelque part, c'est dessus. Ça changera pas la face du monde, c'est juste un texte de plus. Inaperçu le jour où je suis con, tu trouveras ce texte au plus. Le son se répand sur les ondes, mais qu'est-ce que sextobus. C'est phonique, la nouvelle bombe, c'est le nouveau opus. Ça changera pas la face du monde, c'est juste un texte de plus. Inaperçu le jour où je suis con, tu trouveras ce texte au plus. Le son se répand sur les ondes. Mais qu'est-ce que c'est que c'est au but. C'est phonique, la nouvelle bombe. C'est le nouvel opus. L'état s'en fout, le cœur. Ils préfèrent foutre l'horreur. Ils voient le monde qu'en noir et blanc. À la foutre le cœur. D'ailleurs, j'ai beau chercher, je ne vois pas où est la victoire. Le continent qui a 100 ans confondait Zoé Afrique noire. La vie c'est court mais paraît long. Comme un séjour au cachot. Mais c'est chaudard comme au Darfour. Dans les fours de Dachau. L'histoire nous rappelle que les pyramides sont déguisées. Mais la mémoire me rappelle que les pires amis sont déguisés. Ma batte c'est chaud comme désarmer un russe. Coup comme de cramer un bus. Ce texte est vrai, certes, mais c'est jamais qu'un de plus. Les bourgeois bouffent, c'est ouf, je sais pas où ils trouvent leur cul. Mais qui s'étouffent, s'ils oublient qu'on a tous qu'un trou du cul. On donne la légion à des stars qui tous les soirs inspirent une ligne. Mais on coupe les subventions pour la culture de spiruline. Quand tu ouvres les yeux, c'est là que tu sens qu'on t'a piné. L'avenir s'est noyé dans une flaque de sang contaminé. Ça changera pas la face du monde, c'est juste un texte de plus. Inaperçu le jour où je suis con, tu trouveras ce texte au plus. Le son se répand sur les ondes, mais qu'est-ce que sexto but. C'est phonique, la nouvelle bombe, c'est le nouveau but. Ça changera pas la face du monde, c'est juste un texte de plus. Inaperçu le jour où je suis con, tu trouveras ce texte au plus. Le son se répand sur les ondes, mais qu'est-ce que sexto but. C'est phonique, la nouvelle bombe, c'est le nouvel opus. Ça changera pas la face du monde. Inaperçu le jour où je succombe. Le son se répand sur les ondes. C'est phonique, la nouvelle bombe. C'est le nouveau opus. Ça changera pas la face du monde. C'est juste un texte de plus. Tu trouveras ce texte au plus. Mais qu'est-ce que sexto but. C'est le nouvel opus.